Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 6. Comment il a fui les persécutions de son père et de ses proches en se retirant près d'un prêtre de Saint-Damien. Tout heureux de sa vision et des paroles du crucifié, il se leva et se fortifia par un signe de croix. Puis il monta à cheval, et prenant avec lui des étoffes de diverses couleurs, il se rendit à une ville qu'on appelle Foligno. Ayant vendu là son cheval, et tout ce qu'il avait emporté, il retourna incontinent à l'église Saint-Damien, et ayant trouvé un prêtre très pauvre, il lui baisa les mains avec beaucoup de dévotion et de foi, lui offrit l'argent qu'il avait avec lui, et lui raconta son dessein d'un bout à l'autre. Le prêtre, étonné de cette conversion subite, restait stupéfait et n'y pouvait croire. Pensant qu'on se jouait de lui, il ne voulait pas accepter l'argent. Mais François insistait opiniâtrement, s'efforçant d'amener le prêtre à ajouter foi à ses paroles, et le suppliait de lui permettre d'habiter avec lui. Le prêtre finit par consentir à le recevoir, mais, par crainte de ses parents, il n'accepta pas l'argent. Alors ce véritable contempteur de l'argent, jetant toute la somme par la fenêtre, la répandit comme une vile poussière. Pendant qu'il séjournait en ce lieu, son père le recherchait activement et s'informait de ce qu'avait pu devenir son fils. Ayant appris combien il était transformé et où il s'était retiré, il fut saisi de douleur, et, troublé par ces événements subis, il réunit ses amis et ses voisins, et, avec eux, courut le chercher. Mais François, dès qu'il apprit les menaces de ceux qui le poursuivaient et qu'il fut informé de leur approche, voulut, parce qu'il était nouveau chevalier du Christ, fuir devant la colère paternelle, et se réfugia dans une caverne secrète qu'il avait préparé pour cela. Il se cacha pendant un mois entier dans cette caverne, qui était connue d'un seul des serviteurs de son père, et il s'y nourrissait en secret des aliments qu'on lui donnait de temps en temps. Baigné d'une pluie de larmes, il y priait Dieu constamment de le délivrer de la persécution, et d'accueillir favorablement ses pieuses demandes. Après avoir ainsi imploré Dieu dans le jeûne et dans les larmes, assidûment et en toute ferveur, ne se fiant ni à son courage ni à son adresse, il mit toute son espérance en Dieu, qui l'avait déjà rempli d'une joie ineffable et illuminé d'une clarté éclatante, alors qu'il était encore plongé dans les ténèbres. Tout enflammé de foi, il quitta la caverne et prit son chemin vers Assise, plein d'ardeur, de hâte et de joie. Armé de sa foi en Christ, animé d'une chaleur divine, et s'accusant de paresse et de crainte vaine, il alla se livrer aux mains de ses persécuteurs et s'exposer à leurs coups. En l'apercevant, ceux qui l'avaient connu autrefois s'en accusaient et en avaient honte. Ils criaient qu'il était fou et en démence. Il ramassait dans les places de la boue et des pierres pour les lui jeter. Car, le voyant si différent de ce qu'il avait été, et tout défait par les macérations, ils imputaient ses actes à l'insanité et à l'inanition. Mais le chevalier du Christ traversait tout cela comme s'il n'entendait rien. Aucune injure ne le touchait ni ne l'ébranlait. Et il rendait grâce à Dieu de tout. Le bruit de ce qui se passait, se répandant à travers les places et les rues de la ville, parvint enfin à son père. À la nouvelle de ce que ses concitoyens faisaient contre son fils, il s'élança non pour le défendre, mais plutôt pour achever de le perdre. Sans garder aucune modération, il courut sur lui comme le loup sur l'agneau. Les yeux tords, le visage égaré, il porta sur lui une main impie, le ramena à sa maison et le tint pendant plusieurs jours enfermé dans une prison obscure, s'efforçant, tantôt par des paroles, tantôt par des coups, de le ramener aux vanités du siècle. Mais lui ne se laissait ni ébranler par les paroles et les chaînes, ni vaincre par les coups. Il supportait tout avec patience et en devenait plus fort et plus zélé pour l'exécution de son dessein. Enfin, son père ayant dû s'absenter pour une affaire importante et urgente, sa mère, qui était restée seule avec lui, lui parla avec douceur. N'ayant pu le détourner de sa sainte résolution, elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour lui, elle brisa ses chaînes et lui permit de sortir librement. Alors, rendant grâce à Dieu, il retourna au lieu où il était auparavant, et il agit plus librement que par le passé, comme s'il était sorti plus fort de la tentation des démons, et, instruit par l'expérience de cette tentation, il allait plus tranquille, plus libre et plus magnanime, après les injustices souffertes. Cependant le père revint et, ne trouvant pas son fils, il accabla sa femme d'injures, accumulant ainsi péché sur péché. Puis il courut au palais de la commune pour porter plainte contre son fils devant les consuls, et leur demander de lui faire rendre l'argent que celui-ci lui avait emporté. Note. Cette phrase ne se trouve pas dans le texte latin, mais seulement dans la vieille traduction italienne, fin de la note. Le voyant dans un tel trouble, les consuls font citer François devant eux, c'est-à-dire le font appeler par un crieur. François répondit que, par la grâce de Dieu, il était devenu libre et qu'il ne relevait plus des consuls, puisqu'il était désormais serviteur de Dieu seul. Les consuls, ne voulant pas user de violence envers lui, répondirent au père, puisqu'il est entré au service de Dieu, nous n'avons plus de pouvoir sur lui. Le père, voyant qu'il n'arriverait à rien devant les consuls, porta sa plainte devant l'évêque de la ville. Cet évêque, prudent et sage, le fit citer, dans la forme usitée, à comparaître pour répondre sur la plainte de son père. Et François répondit au messager, « Je viendrai devant l'évêque, parce qu'il est le Père et le Seigneur des âmes. » Il vint donc et fut reçu avec joie par l'évêque qui lui dit, « Ton Père est très irrité et très indigné contre toi. Si donc tu veux servir Dieu, rends-lui l'argent que tu as. Peut-être a-t-il été injustement acquis, et pour cela Dieu ne veut pas que tu l'emploies à des œuvres ecclésiastiques, à cause des péchés de ton père, dont la fureur s'apaisera quand il aura reçu cet argent. Aie donc confiance, mon fils, agis virilement et ne crains point, car Dieu sera ton secours et te fournira abondamment ce qui te sera nécessaire pour le service de son Église. » L'homme de Dieu, heureux et réconforté par les paroles de l'évêque, se leva, et apportant devant lui l'argent, lui dit, « Seigneur, je lui rendrai avec joie non seulement l'argent qui est à lui, mais aussi ses habits. » Et étant entré dans la chambre de l'évêque, il s'y dépouilla de tous ses vêtements, les posa à terre et mit l'argent par-dessus devant l'évêque, son père et les autres assistants, et il sortit tout nu, s'écriant « Écoutez tous, et comprenez. Jusqu'ici j'ai appelé Pierre Bernardone mon père. Mais puisque j'ai résolu de servir Dieu, je lui rends l'argent dont il se tourmentait, et tous les vêtements que je tenais de lui, et je dirai désormais, non plus mon père Pierre Bernardone, mais notre père qui êtes aux cieux. » On s'aperçut alors que l'homme de Dieu portait un cilice sur sa chair par-dessous ses vêtements de couleur. Son père, saisi de douleur et de colère, se leva, prit l'argent ainsi que les vêtements et les emporta chez lui. Les assistants s'indignèrent de voir qu'il ne laissait rien du tout à son fils pour se vêtir, et, touchés de pitié, ils se mirent à pleurer sur François. L'évêque, admirant le courage de l'homme de Dieu, sa ferveur et sa fermeté, le recueillit entre ses bras et le couvrit de son manteau, car il comprenait clairement qu'il agissait sous l'inspiration de Dieu, et il sentait que les choses qu'il venait de voir enveloppaient quelque grand mystère. Et à partir de ce jour, se faisant son auxiliaire, il le dirigea, il l'exhorta, il le fortifia et s'unit à lui dans la charité. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.